la direction d'édition de Timbre d'État vient de faire paraître une vignette à l'occasion du 80e anniversaire de la victoire dans la bataille de Boitsombo. À la partie supérieure du timbre qui figure le visage majestueux du président Nguimessong, on a inscrit 80e anniversaire de la victoire dans la bataille de Boitsombo et l'an 26 de juillet 1937, l'an 106 de juillet 2017.